Deux matchs viennent de se passer au Stade olympique. Évidemment, notre ami Frédéric Degg de la presse canadienne va nous parler, un peu son bilan des deux matchs, ce qu'il a vécu, parce que c'est pas mal un gars qui a fouillé les dossiers, qui a parlé avec des anciens joueurs, qui a parlé avec ben du monde. On parle avec Frédéric Degg. Salut Fred. Bonjour Danny. Fred, tu retiens quoi de ces deux matchs? D'abord, je retiens que peu importe ce que les gens disent, la formule ne s'essouffle pas. Il y avait 24 500 personnes lundi soir pour un match, je le rappelle, entre les Brewers et les Blue Jays. Il n'y a aucune équipe de Montréal là-dedans, là. Un match qui compte pas. Une autre affaire aussi, ouais. Fred, là, c'est que c'est-tu vraiment les Blue Jays? Après trois manches, c'est plus les Bisons de Buffalo puis les Fisher Cats du New Hampshire. Ouais, mais c'est plus ou moins vrai parce que hier, là, ben c'est sûr que le camp d'entraînement, ça sert à faire ton équipe. Fait que, pis c'est sûr que les deux derniers matchs du camp d'entraînement, faut pas que tu t'attendes à avoir les joueurs partant en formation pendant 9 manches. Puis ça, je comprends pas que les gens comprennent pas ça. Quand tu vas voir là, le Canadien contre les Browns à Québec, là, tu joues contre les Browns de Providence en tabarouette. L'année passée, ils n'ont pas amené personne de la Ligue nationale à Québec. C'est un camp d'entraînement. Ils sont pas là pour faire plaisir au monde, là. Ils sont là parce que c'est plus payant faire une game à Québec qu'une game à Providence pour eux autres. C'est pas compliqué. OK. Donc, ce que tu dis, ce que j'allais ajouter, c'est que hier, il y avait 22 000 personnes dans le stade pendant que le Canadien jouait un match à 4 coins de rue, un match important dans une course aux séries, où il y avait aussi 22 000 personnes dépassées. Fait qu'hier, là, tu avais 45 000 personnes à Montréal pour voir du sport professionnel. Fait que ceux qui pensent qu'on n'est pas capable de faire vivre ça, là, des petites nouvelles pour vous autres, c'est un match hors concours avec deux équipes qui viennent pas de Montréal qui se jouent au Stade olympique hier. Moi, ce que je retiens là-dedans, c'est un insider, Buster Olney, qui est de ESPN, qui est probablement un des gars les plus crédibles. As-tu vu ce qu'il a dit hier sur TSN Radio? Absolument ça, là. Ouais, c'est la... On le dit depuis 5 ans maintenant, là, que ça s'en vient, puis que ça va... Le baseball majeur à Montréal dans sa soupe, là, mais là... Peut-être que les gens vont le croire vu que c'est un Américain qui le dit, ce coup-là, là. Mais c'est la réalité, c'est ça. La réalité, c'est que Montréal va avoir une équipe, peu importe la formule. Ça va être une expansion ou une relocalisation. Et puis hier, la maire Estlante est venue nous visiter sur la galerie de presse. Très, très, très, très, très ouverte au projet. Elle voit d'un très bon œil la collaboration entre le groupe de Montréal et de Vimco pour le développement de Griffintown. Et puis, j'y ai posé carrément la question. J'ai dit que qu'il y a un stade de baseball ou non, ce quartier-là, il va être développé. Qu'est-ce que la ville va faire pour aider aux développeurs de ce quartier-là? Elle a dit qu'il y a un stade ou non, c'est la même chose. C'est les infrastructures, les trottoirs, les rues, l'aqueduc, les lumières, les racks à Bixi. Tu sais, c'est à un moment donné, là, un quartier, ça se développe, puis la ville a des responsabilités envers les gens qui vont habiter ce quartier-là. Fait que c'est la même chose qu'il y ait un stade de baseball ou pas. La ville va s'investir dans ce quartier-là. Et puis, ils vont arranger. Elle dit, on peut venir en aide, nous autres, aux promoteurs aussi, en s'assurant que les axes de transport en commun, ils soient importants dans ce quartier-là. Tu sais, c'est pas, l'autobus à rue Sherbrooke à Montréal, puis l'autobus, sa 3e avenue dans Rosemont, là, elle passe pas à la même fréquence, là, mais peut-être que ce quartier-là autour du stade, ça va être un quartier à haute fréquence pour la Société de transport de Montréal. Le REM va passer là, ça c'est sûr que c'est provincial, mais la ville va faire tout ce qu'elle peut faire sans demander d'argent à ses contribuables. La ville va embarquer dans ce projet-là. Fait que c'est provincial est embarqué, le municipal est embarqué, puis on peut présumer que le fédéral va être embarqué aussi, ne serait-ce qu'en libérant ce terrain-là ou en le vendant, même s'ils le vendent à 150 millions le terrain, le prix qui est de l'évaluation, là, selon les dernières ventes de terrain à Montréal, là, c'est une aubaine, là, c'est le dernier point chaud à développer dans Montréal qui est proche du centre-ville, c'est ce quartier-là. Oui, effectivement. C'est l'annonce majeure aussi, là. C'est qu'il y avait deux groupes qui se, à quelque part, qui se, qui se bataillait pour ce terrain-là, puis qu'il y a eu une entente. Ça aussi, c'est majeur, là. Oui, absolument. L'entente n'est pas conclue, mais les négociations sont bien entamées. Alors, c'est certain que ça a été une des grosses nouvelles du week-end, effectivement. Et puis, ça passait un petit peu inaperçu, là. Mm. Mais Steve Rogers, hier, qui dit que, ouais, je l'ai vu ça. Il est complètement enchanté maintenant de la façon puis qu'il y croit. Puis, écoutez, Steve Rogers, là, il est pas là comme ancien expo, là, lui, là. Il est là comme représentant de l'association des joueurs. Il travaille pendant ces deux matchs-là, lui. Mm. Il parle avec les joueurs des deux équipes, il règle les problèmes. Les joueurs des Brewers trouvaient que les cérémonies avaient été trop longues lundi, que ça avait commencé trop tard. Hier, on a commencé presque 15 minutes avant le temps prévu, les cérémonies. Fait que lui, il est là pour ça, puis que lui, il vient de nous voir, puis il nous dise, moi, là, j'y crois. Le financement est là. Vous avez vu le monde. Ça fait 6 ans qu'il attire du monde ici. Et c'est certain que quand c'est pacté la fin de semaine, on s'attend à rien de moins que ça. Mais en même temps, c'est à peu près une moyenne, là. Avant le match d'hier, la moyenne des 11 premiers matchs, c'était 47 000 spectateurs pour des matchs pré-saison à Montréal. Ouais. Puis là, la moyenne pour les matchs des lundis, mardis, ça va se situer autour de 23-24 000. Écoutez, là, lundi soir, là, les seuls matchs qui ont attiré plus de monde, les seuls matchs préparatoires qui ont attiré le plus de monde dans des stades des majeurs, c'était au Angel Stadium alors que les Dodgers visitaient. C'est comme si Laval visitait Montréal. Ouais. Et puis, c'était à San Francisco, à l'Oracle Park, où les Athletics d'Oakland étaient les visiteurs. Ça, c'est la même chose aussi. C'est Laval contre Montréal. C'est deux équipes qui viennent du même marché. Ouais. Les partisans se déplacent quand ça prend 20-25 minutes. C'est comme Anaheim, c'est 40 minutes de Los Angeles, là. C'est même pas Drummondville par rapport à Montréal. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Philippe, tu l'as rencontré? Pas mal sa dernière présence à Montréal, hein? Ah, je pense pas, moi. C'est un gars en forme. Ouais, OK. Là, il se déplace avec une canne parce qu'il y a eu une opération pour le remplacement de son genou droit, mais c'est un monsieur qui est encore droit comme un chêne, qui a une poignée de main, là. Faut que tu arrives là préparé parce que tu peux perdre quelques doigts. Puis je pense pas, non. Je pense plutôt évidemment, là, à 82, 83 ans, je crois, Philippe. C'est certain qu'il reste moins d'années devant qu'il y en a derrière lui, là. Mais écoute, c'est sûr que bon, rendu à ces âges-là, ça peut aller très vite, la santé peut basculer rapidement. Mais moi, je te dirais là que quand il va être complètement remis de cette opération au genou, là, il va être. En tout cas, moi, il m'a pas laissé penser là qu'il en était à ses derniers milles. C'est certain qu'il y a de la misère à se déplacer, là, mais. Ouais. Moi, je pense bien qu'on va le revoir. OK. Dis-moi maintenant, Jacques Doucet, c'était un must, Jacques, moi, quelque part, je l'ai écrit ce matin sur les médias sociaux. Jacques Doucet, c'est Monsieur Expo. On dira ce qu'on voudra, là. C'est même Monsieur Expo avant Carter, avant tu sais, Guerrero et ainsi de suite. Lorsqu'on écoutait les expos, ça a toujours été Jacques Doucet. Puis il me semble que, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Fred, il me semble que ça aurait dû être fait bien avant, ça, cette ovation debout, là. Ouais, ben, écoute, ça, à un moment donné, c'est sûr qu'on a fait trouver des formules, puis quelles équipes souligner, puis ci, puis ça, puis... Ouais. Le genre qui va être le premier à l'admettre, je pense, c'est... Il aurait jamais voulu qu'on lui rende hommage avant qu'on rende hommage aux grandes équipes des expos puis aux grands joueurs. Sauf que là, après 6 ans, là, on commence à avoir fait le tour des grandes équipes puis des grands joueurs. Là, cette année, on a ratissé très large en soulignant les 50 ans de l'équipe du baseball professionnel au Canada. Du baseball majeur au Canada, là, parce que le baseball professionnel, il y en a eu avant, là. Mais alors, tu sais, je pense qu'on était rendu là et souligner les 50 ans d'histoire du baseball majeur et des expos. Sans souligner Jacques Doucet, là, ça aurait été manquer son coup. Mais je suis certain que Jacques, je ne sais pas si on lui a offert avant, mais je suis certain, le connaissant un peu, qu'il n'aurait, comme il le faisait quand il décrivait les matchs. C'était ce gars humble, hein? C'est un gars très humble. Ben oui, il n'aurait jamais voulu voler le show aux équipes sur le terrain, peu importe dans quel rôle. Fait que je pense que. Je pense que les Evenko auraient obtenu une fin de non-recevoir. Là, je pense pas que Voyons Jacques, j'allais dire Philippe, mais je pense pas que Jacques aurait voulu là qu'on le place sur un piédestal devant les joueurs. Je vais y parler cet après-midi. Je vais voir vraiment ce que lui pense, puis je vais y en parler de ça, évidemment. Hey, Fred, c'est quoi la prochaine étape là? Maintenant, c'est pour le baseball majeur, il se passe rien à Tampa Bay. Bosser Nick, il dit que c'est une équipe d'expansion qui s'en vient. Moi, je pense que quelque part, peu importe, on va prendre ce qui passe. Là. Mais c'est quoi la prochaine étape? Ben là, évidemment, c'est le terrain. Là, ouais. Le terrain a été identifié. Là, c'est le travail entre les deux groupes, puis c'est l'acquisition du terrain. Hier, c'est ça, la mère Esplante nous a parlé là, qu'elle avait un droit de préemption, c'est-à-dire que la ville, pour des terrains comme ça, elle peut comme avoir un droit de veto sur l'acquisition, sur la vente des terrains, si le projet proposé par les promoteurs ne concorde pas avec la vision de la ville puis le plan d'urbanisme. Alors, mais hier, elle a dit que ça, il n'y avait aucun problème, il n'y avait rien qui pouvait empêcher la vente de ce terrain-là à Devimco Claridge. Alors, c'est vraiment la prochaine étape. Je pense que ça va prendre peut-être quelques mois, là, 2 à 3 mois avant de finaliser tout ça. Je pense que, évidemment, Devimco visait ce terrain-là aussi, hein. Mm. Et puis, il s'est peut-être fait imposer ce partenariat-là un peu, tu sais, dans le sens où on lui a peut-être dit, ben, tu sais, si tu prévois pas de stade de baseball dans ton projet, peut-être que ton projet passerait pas non plus. Il vaut mieux s'associer. Et Devimco et Claridge, qui est la société d'investissement de Steven Bronsman, mm. ben ils sont déjà partenaires dans 3 autres projets. Okay? Ils ont déjà trouvé des terrains d'entente entre eux. Alors, ça va, je pense que ça va faciliter la discussion grandement. Ouais. Hey Fred, j'ai une question, je l'ai oublié. Je te l'ai posé off the record, mais je veux te la poser en ondes. L'histoire de Tampa Bay, là, qui ferait une équipe avec que Steven Brofman essaierait de la garde partagée des Rays. Hein. Je la connais la réponse, mais je veux que tu la dises. Est-ce que la question a été posée à Steven Brofman? La question a été posée. Steven Brofman dit que lui, ils veulent tellement le retour d'une équipe du baseball majeur qu'ils sont prêts à écouter toutes les propositions. Ça, c'était la réponse politique à donner. La réalité, je pense que Steven Bronsman le sait, c'est que le baseball majeur ne laissera jamais faire ça. Alors, puis l'association des joueurs ne laissera jamais faire ça. Ouais. T'installes ta famille où si t'es un joueur? Si tu joues trois mois à Montréal, 3 mois à Tampa Bay, t'es installé où? Puis là, les autres 6 mois de l'année, tu retournes chez vous en Californie, en Oklahoma, au Wyoming, peu importe c'est où chez vous, en Corée, au Mexique, tu sais. Fait que là, ça veut dire que t'es sur la route dans le fond, pas pour la moitié de la saison, t'es sur la route pour les 80% de la saison. Ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens et ça n'arrivera jamais. Mm. C'est pas comme si Tampa Bay demandait la permission à la Ligue nationale d'aller jouer 10, 12, 15 matchs à Orlando, qui est à 1h30 de route, parce qu'ils ont un gros bassin de fans à Orlando, puis que ils se rendent compte que les cotes d'écoute à Orlando sont les meilleures de la Floride pour leur match. T'sais? Fait que ça, c'est pas la même chose. Ça, tu demandes à tes gars d'embarquer dans l'autobus pour faire 1h30 de voyagement. À la limite, tu couches 2 soirs à Orlando puis tu reviens coucher chez vous le 3e soir. C'est pas la même chose. C'est complètement ridicule comme scénario. Effectivement. Puis écoute, moi je me rappelle que l'association des joueurs, à quelque part, l'association des joueurs et des expos. Rappelle-toi des expos à Porto Rico. Exactement ce qu'on m'a donné comme exemple quand j'ai parlé de ça à certains dirigeants. C'est un cauchemar que personne ne veut revivre. Ben non, c'est ça. Fred, un gros merci. On s'en reparle dans d'autres sujets dans le monde du sport. Grosse conférence de boxe aujourd'hui encore. Oui, ben la rumeur voudrait qu'on annoncerait 3 Québécois sur la carte de Canelo Alvarez le 4 mai. David Lemieux, Stephen Butler et Éric Vasignan, en plus là du gala du 17 mai qui impliquerait Arslan Bek Mahmoudov, le poids lourd, comme tête d'affiche. Alors c'est vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'on va annoncer, là, mais ça pourrait potentiellement être une grosse annonce. Oui, pour Mahmoudov, la prochaine grande vedette de la boxe au Québec, c'est incroyable. Moi, ce gars-là, puis en plus là, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il parle anglais. Alors tu sais, il y a eu beaucoup de Russes ces dernières années dans la boxe, mais ils sont pas tous faciles d'accès, même pour nous les journalistes. Là. Et Tu sais, bon, on leur demande pas d'être parfaitement bilingues, sauf que de pouvoir converser avec eux, ne serait-ce que, tu sais, qu'on puisse parler de leur dernier combat, des combats à venir, de leur, tu sais, c'est toujours plus facile pour tout le monde. Et puis là, ben c'est ça. Alors, Mamoudov, c'en est un de ceux-là avec qui on peut avoir une conversation. C'est un gars qui a un sens de l'humour. Tu vois que plus son anglais va se développer, plus ça va être le fun de jaser avec lui, là. Ouais. Alors, puis c'est une machine de boxe, là. On s'entend. c'est un boxeur redoutable. Alors, j'ai hâte de le voir progresser, puis de le voir affronter des boxeurs plus aguerris. Parce que je pense vraiment que c'est un gars là qui va gagner à être connu, là, c'est tout un boxeur. Tout ce que j'espère dans son cas, par contre, c'est qu'il gère mieux la carrière que Beterbiev. Je me rappelle la carrière de Beterbiev, on dit exactement la même chose, puis là, elle s'en va nulle part, sa carrière. Ouais, mais ça, ouais. Beterbiev est encore un très grand boxeur. Ouais. Et le danger aussi, là, c'est que ces gars-là sont un peu victimes de leur succès parce que personne ne veut les affronter pour l'argent qui leur est offert. Alors ça, c'est toujours un cercle vicieux dans ce temps-là, là. Est-ce qu'on paye plus pour avoir des meilleurs adversaires? Mais vois-tu, là, Beterbiev maintenant a été libéré de son contrat avec Jim, se retrouve avec Top Rank. Top Rank qui a une entente avec le groupe de David Earns, le Britannique. Ils sont avec ESPN+. Je pense que le bassin de boxeurs et les moyens pour lui amener des adversaires de plus grande qualité, ça va peut-être lui permettre de boxer plus souvent, mais le problème reste le même pour Beterbiev. Il est encore pris à affronter le 7, 8, 9e aspirant parce que tous les autres ont refusé l'offre. Tu sais, quand t'as une offre de championnat du monde, puis t'as mieux passé ton tour parce que tu vois le gars qui va se battre en avant de toi, puis ça marchera pas. Ben ça c'est le problème de Beterbiev aussi. Et faut pas oublier, ouais, Beterbiev, il a été sérieusement blessé à l'épaule, une opération qui l'a tenu à l'écart du ring pendant un an ou 15 mois. Ouais. Alors tu sais, ça c'est sûr que ça fait en sorte qu'il passe un peu à l'arrière-scène là, sur la boxe québécoise. Il s'est passé quoi avec l'adversaire de Marie-Ève Duquet? Quel joke! C'est incroyable! Ben, il s'est passé. Ouais. C'est en République dominicaine que où le problème est né, là, il y a un médecin là-bas qui a pas fait sa job. Et puis qui a signé les documents exigés par la régie pour le rapport médical. C'est impossible que ce fille-là, elle ait perdu son œil dans l'avion, là. Elle était aveugle d'un œil en République, là. Et puis c'est le médecin de la République. Est-ce qu'il a été soudoyé? Est-ce qu'il, tu sais, ça on peut pas rien dire là-dessus, mais de toute évidence, sa job c'était de faire une évaluation médicale selon les règles de la régie des alcools, des courses et des jeux. Et ça n'a pas été fait. Fred, un gros merci, puis je te laisse aller travailler. Frédéric Degg, de la Presse Canadienne. Bonne journée.